Chapitre 57e. 8 jours après l'envoi de cette lettre, le vieux manoir déjeunait avait, dès 8 heures du matin, un air de fête. Les domestiques, les métayers, les paysans des environs, accouraient, enimanchaient, et Madame la baronne de Kermadec elle-même avait mis une robe de gala qui remontait au premier jour de l'Empire. À 9 heures, plusieurs voitures étaient arrivées des environs, amenant les châtelains d'alentour et le notaire qui devait rédiger le contrat. Puis on avait paraître un élégant tilbury, et de ce tilbury étaient descendus le baronnet Sir Williams et le chevalier de Lacy, son hôte et son témoin. Sir Williams était radieux. Encore quelques heures, il était l'époux d'Hermine, et les 12 millions étaient à lui. Quant à Mademoiselle de Beaupréau, elle s'était levée comme se lèvent les martyrs pour marcher au supplice. Esclave de sa parole engagée pour sauver Fernand. Elle allait épouser Sir Williams, puisque celui qu'elle avait tant aimé et qu'elle aimait encore était libre. Plus pâle qu'une statue de marbre dans sa parure blanche de fiancée, Hermine apparut aux invités réunis dans le salon comme ses victimes humaines dévouées au couteau du sacrificateur. Monsieur de Beaupréau lui donnait le bras. Sa mère marchait auprès d'elle. Hermine avait si bien dissimulé sa torture depuis quelques jours, elle avait si bien laissé croire que Fernand était effacé de son cœur, et que Sir Williams en avait pris possession, que l'œil clairvoyant de la mère, elle-même, s'y était trompé. Thérèse croyait sa fille heureuse et mit sa pâleur extraordinaire sous le compte de l'émotion inséparable du grand acte qui allait s'accomplir pour elle. Le contrat devait être signé vers 9 heures. À 10, les époux montraient en voiture pour se rendre au village voisin et être mariés par l'officier de l'état civil. À midi aurait lieu la messe nuptiale. Le soir même, les nouveaux époux devaient partir pour Paris, emmenant, malgré son grand âge, la vieille baronne de Kermadec et le chevalier de Lacy, qui désiraient accompagner Sir Williams. Donc, au moment où 9 heures sonnaient, les portes du grand salon déjeuner furent ouvertes, et la jeune fiancée entra, appuyée au bras de Monsieur de Beaupréau et suivie de sa mère, à qui Sir Williams donnait le bras. Les invités des alentours et leurs femmes, déjà réunies dans une pièce voisine, ne tarissaient point en éloge sur la tournure charmante, l'air noble et distingué de cet étranger opulent, que l'amour conduisait à épouser une jeune fille à peu près sans fortune. Le notaire, un petit vieillard sec et portant perruque, s'était assis devant la table du contrat en murmurant « Belle fortune, ma foi. Si les documents transmis d'Irlande par le tabellion et le shérif de Dublin sont exacts, fortune magnifique, princière. » Le baronnet, on le devine, avait produit tout autant de pièces fausses qu'il en pouvait être nécessaire pour laisser croire à ses 10 000 livres sterling de revenus qu'il s'était libéralement octroyé. Les invités étaient au complet, les futurs époux présents, l'heure sonnait. Madame de Kermadec, à demi couchée sur sa chaise longue, ordonna de fermer les portes et congédia les domestiques. « Monsieur le notaire, dit-elle, voudriez-vous nous lire le contrat que vous avez dû rédiger ?» Le notaire se leva, posa sa plume, mit ses lunettes, toussa et déplia un volumineux cahier de papier timbré. Mais au moment où il commençait sa lecture, il fut interrompu par un bruit de roues, de claquements de fouets et de grelots qui se fit entendre dans la cour. Les invités se regardèrent, l'un d'eux ouvrit une croisée et se pencha au dehors. « C'est une chaise de poste, dit-il, et 3 personnes en descendent. » Sir William s'éprouva à ce bruit, à ces paroles, comme un malaise subi et il pâlit. Hermine, qui n'avait déjà plus qu'un vague instinct de son existence et se sentait défaillir à mesure que l'heure fatale approchait, Hermine tressaillit et eut le cœur envahi d'un frisson d'espoir. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme apparut sur le seuil. « Monsieur le comte Armand de Kergaz !» annonça un valet. Et Armand, vêtu de noir, pâle, solennel comme un juge, entra lentement et alla droit à Madame de Kermadec sans même regarder Sir Williams. « Madame, lui dit-il, pardonnez-moi si j'ose me présenter chez vous sans y être attendu, et dans une circonstance aussi sérieuse que celle-ci. Mais un intérêt majeur, impérieux, m'y oblige. »« Monsieur le comte, répondit la baronne étonnée, quel que soit le motif qui vous amène, soyez le bienvenu. »« Madame, reprit Monsieur de Kergaz, je suis l'exécuteur testamentaire de feu le baron Kermor de Kermarouet, un gentilhomme d'origine bretonne, mort il y a 2 mois, et laissant une fortune d'environ 12 millions de francs. » Armand se tourna vers le baronnet Sir Williams. « N'est-ce pas, monsieur, dit-il, que ce chiffre est exact ?» Sir Williams était fort pâle, cependant il répondit. « Je ne sais, monsieur, pourquoi vous m'adressez cette question. Je ne connais pas plus le baron que le chiffre exact de sa fortune. « Ah ! » dit Armand. « Je croyais le contraire. Passons. » Il s'adressa d'une voix à la baronne. « Madame, dit-il, pourriez-vous prier monsieur le notaire de nous laisser seuls un moment ?» Le notaire s'inclina et sortit, passant dans la salle voisine où étaient les invités.